One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, frères et sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le tafsir de sourate An-Najm, cette grande sourate mekkoise dans laquelle Allah Azza wa Jal nous établit les fondements de comment comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les fondements du message de le Coran, ainsi que ça parle aussi du tawhid, des mouchriquins, des polythéistes, de leurs fausses croyances et ainsi de suite. Dans la ayah numéro 27, avec laquelle on commence dans cette séance, Allah Azza wa Jal, il dit « Inna alladhina la yu'minuna bil-akhirati la yusammuna al-malaikata tasmiyata al-untha » Allah Azza wa Jal, il nous parle de ceux qui « la yu'minuna bil-akhira » ceux qui ne croient pas en l'akhira, en l'au-delà. Ils donnent des appellations. « Yusammuna » ils donnent des noms aux malaïka, aux anges. Ils leur donnent des noms de femmes, des noms au féminin. « Yusammuna al-malaikata » encore une fois, parce qu'ils ont prétendu que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici, une question qui se pose. Comment se fait-il que Allah azza wa jal décrit ces gens-là, ces mouchriquins, qu'ils ne croient pas en l'au-delà? Sachant que les mouchriquins parlaient de l'au-delà dans leur discours. Sachant que les mouchriquins, le fait qu'ils espèrent la chafa'a à l'intercession de leur divinité, ça signifie qu'ils veulent être pardonnés le jour du jugement dernier, ne pas finir en enfer et ainsi de suite. Alors comment Allah Azza wa Jal, il dit malgré ça, « La yu'minuna bi al-akhira ». Alors de un, parce que là la question qui se pose, qui peut nous rappeler c'était quoi l'élément principal de divergence ici entre... pas de divergence, mais de différent entre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et entre ces mouchriquins de l'Arabie. Quel était le point, premier point de différent principal dans la croyance? Al-Uluhiyya. Donc, eux faisaient le shirk dans la Uluhiyya, dans la divinité. Ils se donnaient le droit d'associer d'autres partenaires avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration, dans la ibad. Comme on l'a dit, ça ne signifie pas que le reste de leur tawhid était net, clair. Tawhid de Rububiyya et tout. Même dans ça, ils avaient du shirk. Mais leur shirk principal était dans la Uluhiyya. Aussi, un autre point problématique dans leur aqida, c'est la croyance en l'au-delà. Alors, est-ce que les mouchriquins, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en le jour du jugement dernier ou non? Non. Ils étaient certains qu'il n'y a pas, c'est fini. Il n'y a pas de vie après la dunya. Oui. Enfer, paradis, sans jour du jugement. Oui. Est-ce qu'il y avait le concept de l'enfer? Encore une fois, c'est ça la question. Si je vous pose une autre question. Les gens de nos jours dans la rue, la personne moyenne, est-ce qu'elle croit en l'au-delà ou non? Vous allez dire oui, vous allez dire non. C'est ça. C'est yes, no, maybe so. C'est entre, c'est du oui et du non. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par ça. De un, pourquoi? Parce que ces mouchriquins dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme cette nouvelle génération d'athée et de... peut-être athée, peut-être pas, perdu en quelque sorte. Premier point problématique ici, c'est le manque de yaqin. Il n'y a pas de certitude. Je crois en l'au-delà, mais en même temps, je ne suis pas super certain. On entend de nos jours des gens qui disent « moi, je ne suis pas religieux, moi, je n'aime pas la religion, peut-être à la rigueur, je suis athée ». Peut-être je suis entre les deux et tout. De temps à autre, paradis à l'enfer, c'est du n'importe quoi. De temps à autre, il va te dire, C'est pour des gens comme ça qu'il y a l'enfer. L'autre, rest in peace. Ça, c'est personne qui mérite le paradis. Ithtirab. C'est deux croyances en même temps, perdues. Pourquoi perdues? À cause du doute. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. C'est clair? Quelqu'un, il sait pas, quelqu'un qui hésite entre deux marques de voiture. Un jour, il dit, je vais l'acheter. C'est celle-là que je vais acheter. Très, très bonne voiture. Et le lendemain, non, finalement, c'est plutôt, je pense, l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il croit. Y a-t-il paradis enfer ou y a-t-il pas? Un jour oui, un jour non, ça dépend. Donc, le manque de yaqin, vu qu'il n'y a pas de yaqin, il n'y a pas de certitude, c'est une croyance de doute, c'est une croyance qui est non valide. Parce que le iman doit être avec le yaqin, la certitude. C'est pour ça qu'il dit ici لما كانوا لا يجزمون بها كانوا يقولون لا حشرة فإن كان فلنا شفعاء يدل قول عليه قول الله عز وجل وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. Ça c'est dans sourate Fussilat. Allah Ta'ala nous rapporte les paroles, le discours, les croyances de certains des kafirines qui disent je pense pas qu'il y aura un jour du jugement dernier. Mais si ça s'avère qu'il y a des gens comme moi, certainement ça mérite le paradis auprès de Dieu. Il n'y a pas de yaqin, il n'y a pas de certitude. ثانيهما أنهم كانوا ما يعترفون بالآخرة على وجه الحق وهو ما ورد به الرسل. Deuxième raison pour laquelle ils ne croient pas en la akhira, c'est parce qu'ils croient en la akhira une croyance non valide. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il croit en la akhira, une croyance non valide. Il croit une croyance, mais ce n'est pas une croyance valide, acceptée. On a dit ça, c'est la première raison, parce qu'il n'y a pas le yaqin. Mais même s'il y avait le yaqin, il y a des gens qui ont le yaqin en quelque chose, en Allah Azza wa Jal ou la akhira, mais leur croyance n'est pas valide, n'est pas acceptée. Pourquoi? Ils croient à leur façon. Barakallahu fik. Si on demande comme question, les chrétiens croient-ils en Isa alayhi salam? Oui et non. Croient en Isa alayhi salam, oui. Mais croient-ils vraiment en Isa alayhi salam qui est Isa que Allah Ta'ala a envoyé? Non, ils croient en Isa alayhi salam à leur façon. Le Isa alayhi salam, comme eux le décrivent et comme eux le connaissent, ce n'est pas Isa que Allah Ta'ala a envoyé. Ici, c'est la même chose. Ils croient en la akhira, mais ce n'est pas un iman nafi'. De un, pour que la akhira, pour que la croyance en la akhira soit valide, il faut que quelqu'un croit en la akhira et que la personne fasse de la akhira sa priorité et qu'elle œuvre pour la akhira. Si quelqu'un il dit la akhira, oui, ça existe. Il y a paradis, il y a l'enfer. Mais moi, je suis très bon ici. Ça ne me regarde pas trop. Ce qui va se passer après, ce n'est pas de mes soucis. Moi, je vais profiter maintenant. Ça, ce n'est pas iman qui est sahih, qui est valide. Ou quelqu'un, il croit, il dit, oui, il y a la vie, il y a le jugement, il y a... Mais ce n'est pas un paradis réel. Non, ça va être la joie de faire les bonnes actions ou la souffrance d'avoir fait les mauvaises œuvres. C'est clair? Il y avait une question? Non. طيب. وفي تعليق تسمية الملائكة تسمية الأنثى بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة والفضاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها رأسا. Aussi Allah Ta'ala il dit que ces gens-là, ils donnent aux anges des noms de filles. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la akhira. Inna alladhina la yu'minuna bi al-akhira. Celui qui croit en la akhira, vraiment, qui craint Allah Azza wa Jal, ne va jamais oser faire une chose pareille. Donc ça, encore une fois, ça nous explique pourquoi certains êtres humains font des choses qui sont très graves. Et on va dire, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui font ça? Ils ne croient pas en la Akhira. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jalla nous a dit à propos de Al-Yahoud? Qu'est-ce qu'ils ont dit Al-Yahoud? لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Nous, même pour nos péchés, le feu va juste nous toucher, l'enfer, pendant quelques jours, c'est tout. Nous touche. Rien de très grave. Ça, c'est si on est puni. Même pour nos crimes, l'enfer ne va nous toucher que quelques jours. Ayyaman ma'doud, à peine. Celui que ça, c'est la pire conséquence qu'il attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il veut. C'est pour ça que ils ont tué des prophètes, des messagers. قتلوا أنبياء عليهم الصلاة والسلام. Pas plus grave que ça. Pour que quelqu'un arrive à tuer un prophète d'Allah en sachant que c'est un prophète d'Allah, un messager d'Allah. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Ils ont voulu tuer Isa a.s. Allah subhanahu wa ta'ala élevé vers le ciel. Donc, c'est des gens qui peuvent aller très très loin. Pourquoi? Ils n'ont pas la vraie croyance en la akhira. C'est pour ça ici, la même chose pour les mouchriquins. Ils se permettent de dire ce qu'ils veulent à propos d'Allah ta'ala et des anges parce qu'ils ne voient pas de conséquences. Ils ne réalisent pas les conséquences de ça dans l'akhira auprès d'Allah azza wa jalla. La aya après numéro 28, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Allah ta'ala, il dit: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, alors qu'ils n'en ont aucune science. مِنْ عِلْمٍ, c'est aucune science. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a pas pire que les gens qui parlent de choses sur lesquelles ils n'ont aucune connaissance. Parfois, il y a des gens qui t'énervent tellement, tu vas lui dire quoi? Tu ne sais rien de quoi tu parles. Tu dis du n'importe quoi. Tu as zéro référence, zéro connaissance. Allah Ta'ala, il dit: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Même pas une goutte de connaissance, ils n'en passent rien du tout. Parle par simple ignorance. Encore une fois, quelle est leur référence? Allah Azza wa Jal, il dit: إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Ils ne font que suivre le ظَنْ. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Alors que, il dit subhanahu wa ta'ala, le ظَنْ, la conjecture, ne sert à rien du tout contre la vérité. Face à la vérité, le ظَنْ, ça ne sert à rien du tout. C'est zéro. Ça n'a pas de présence. C'est pour ça même dans l'islam, dans la sharia, dans le fiqh, on a la règle qui dit l'ijtihad ma'an nas. Lorsqu'il y a un texte clair, nas de Coran, ou un texte clair d'un hadith authentique, il n'y a plus d'ijtihad, il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus personne qui dit selon ma déduction, ma façon de voir, de maqasid, de sharia, de l'qiyas, autre chose. Fini. Il y a maintenant le haq qui est évident. Il n'y a plus de dhan qui intervient, plus d'opinion, ni rien du tout. Alors il dit ici, لما نفع علمهم تشوف السامع إلى الحامل لهم على ذلك فقال إن يتبعون إلا الظن. Alors il dit, vu que Allah Ta'ala, il dit, ils n'ont aucune science, rien du tout. Quelqu'un va dire, ils n'ont aucune science, alors ils parlent de quoi? Ils parlent à propos de, à partir de الظن. Et الظن لا يغني من الحق شيء. Le fait que الظن n'a aucun poids, ça, par exemple, c'est représenté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Abu Huraira, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Attention, éloignez-vous de الظَّنَّ, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِيَّاكُمْ, faites attention, ne suivez pas الظَّنَّ. Parce que الظَّنَّ, c'est le discours, la parole la plus mensongère. On ne peut pas suivre le dhan. C'est comme on l'a dit plus tôt. Pourquoi se fait-il que mon frère, qui habituellement est toujours assidu, il m'a dit qu'il va m'appeler à 4 heures et il ne m'a pas appelé à 4 heures. Il est 4h10, il ne m'a pas encore appelé. Ce n'est pas de son habitude. Mais là, quels sont les... Ah, probablement que je ne suis pas important pour lui. Il a d'autres choses plus importantes à faire dans la vie, il me considère comme moi, comme secondaire. Probablement qu'il veut m'éviter. Pourquoi? En se basant sur quoi? J'ai pas de connaissance, il n'y a rien. C'est quoi? C'est le dhan. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est akdhab al-hadith. C'est la source la plus mensongère. De ce fait, on ne devrait pas le suivre. ثم ينكر الله تعالى على المشركين ما كانوا يعتقدونه في الملائكة من عقيدة فاسدة. Donc ça serait quoi le ilm? كمشاهدة خلقهم. Donc Allah Ta'ala dans l'autre ayah dit أشهدوا خلقهم. Pourquoi prétend-il que les malaïkas sont les filles d'Allah Azza wa Jal? Allah Ta'ala dit أشهدوا خلقهم. Ont-ils été témoins de leur création, est-ce qu'ils ont vu les malaïkas? Là, ils ont constaté, oh, les malaïkas sont des femelles. Non, ils n'ont pas d'ilm là-dessus. Ou qira'ati dhalika fi kitabin min kutubillah. Ou ont-ils lu ça quelque part dans les livres d'Allah Azza wa Jal, dans les révélations? Non, ce n'était pas le cas. Ou sama'i rasoulin, ou un messager qui leur a dit que j'ai vu les malaïkas et que les malaïkas, c'est des femmes, c'est des filles d'Allah Azza wa Jal. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune source, aucune référence. En passant dans la ayah très intéressante ici, l'autre ayah qui n'est pas ici dans le Najm, dans laquelle Allah Azza wa Jal, il dit « Ashahidu khalqahum ». Ont-ils vu leur création? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous fait penser à quoi en termes de croyance et ainsi de suite? La preuve visuelle. Mais regardez, lorsque de nos jours, on enseigne même aux enfants, à l'école, d'où est-ce que l'univers a commencé? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Oui? Les singes, Big Bang, il y a les documentaires ou les visuels comme ça avec... très belles animations et tout, où ces théories-là sont présentées comme des faits indiscutables. Il y a de cela 200 millions d'années, voilà ce qui s'est passé. Puis après ça, la prochaine étape, voilà ce qui s'est passé. Après ça, c'est présenté comme des faits indiscutables, pas comme des théories. Pas selon une possibilité, il soit non, c'est mais là, c'est quoi votre référence? As-tu été témoin? Ashahidu khalqahum, tu as vu ça par tes propres yeux? D'où est-ce que tu sors tout ça? Afwan? Mais encore une fois, c'est des théories. C'est des calculs fondés sur des principes qui sont en tant que tels des théories. Tu vas établir des principes qui sont des théories, puis après ça, en te basant sur ces principes, tu vas faire des calculs. Et là, ça va l'air d'être très scientifique. Regarde, c'est des chiffres, c'est des calculs, des formules, mais le principe initial, l'être humain ne peut pas savoir pour certains ce qui s'est déroulé. Ça fait juste 100 ans, 80 ans. Il y a plusieurs... grand événement historique ou assez moderne, ou c'est quoi? C'est discutable. C'est quoi la vraie version? Chacun a sa propre version. Selon la culture, ou l'origine, ou selon ce qui sert, le narratif de quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale? Il y a la narration occidentale, il y a d'autres... narration. Mais celle, et nous, on n'a pas vraiment la possibilité d'aller voir devant nous. Pire que ça, il y a des choses qu'on a même la preuve visuelle qu'on peut voir de nos jours qui arrive live, en direct. Et ça reste que c'est grandement discutable. Certains vont dire ça c'est fake news, ça c'est truqué la vidéo, ça c'est non, t'as pas vu tous les détails. Ça c'est ce qui est devant nous, très proche de nous. Toi, tu veux prétendre que tu sais exactement ce qui s'est passé, ça fait 100 millions d'années et 50 millions d'années. كُلُّ هَذَا تَقَوُّلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. C'est de la parole sans connaissance, fondée seulement sur le dhan. Mais encore une fois, on veut imposer ce dhan aux gens. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il faut croire. C'est comme ça. Écris ça à l'examen, tu vas avoir une bonne note. Tu dois connaître ça par cœur pour l'examen. C'est tout. Parce que si tu ne connais pas ça par cœur par l'examen, pour l'examen, tu ne vas jamais aller aux prochaines étapes et tu ne vas jamais réussir tes études. Donc toujours, il faut encore une fois, il ne faut pas se gêner de remettre les choses en question. Si quelqu'un fait une grosse comme ça, prétention, ça s'est déroulé comme ça, mais d'où est-ce que ça vient tout ça? De la science, quelle science? Tu as vu ça? Par toi personnellement, est-ce que tu as vu ça? Qui a vu ça, la science? Il y a une science, encore une fois, expérimentale, chose qui est devant nous, qu'on peut toucher, on peut la faire rentrer dans un laboratoire, on va l'étudier, c'est devant nous. Mais quel scientifique a vu la création des cieux et de la terre? Qui est ce scientifique qui était présent, témoin de tout ça et qui a étudié ce phénomène en direct? Ça n'existe pas. منع الله تعالى من الظن في ثلاثة مواضع في جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية والدعاء باسم. Regardez, ici il y a l'un des ulama qui nous dit que Allah Ta'ala, il parle du mal de al-dhan, de ceux qui suivent le dhan, dans trois lieux du Coran. Remarquez qu'est-ce qui rassemble ces trois lieux. Le premier ici dans Sourate An-Najm, ici dans la sourate. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Deuxième, aussi dans sourate An-Najm, il dit subhanahu wa ta'ala يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Donc la première c'était ayah 23, deuxième ayah 28. Et le troisième lieu c'est dans sourate Al-Hujurat, dans laquelle Allah Azza wa Jal il dit ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ici subhanallah, encore une fois, remarquez ici le miracle du Coran. Sourate Al-Hujurat, c'est une sourate qui est médinoise, révélée plusieurs années après sourate An-Najm. Dans sourate Al-Hujurat, Allah Ta'ala il nous dit يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. Vous qui croyez, évitez beaucoup de ظن, parce que beaucoup de ظن c'est péché. Là au début, juste avant, ça parle de quoi? ولا تنابزوا بالألقاب. Ne vous lancez pas des titres comme insultes. Quelqu'un il va dire à son frère, il l'aime pas, comme ça il va insulter son frère. Toi le gros, le gros là-bas, et l'autre, le fils des esclaves, ou je ne sais pas quoi. Allah Ta'ala dit, ne faites pas ça. لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. الاسم, اسم. C'est quoi اسم? Appellation, le اسم. C'est pas bien là de jouer avec les appellations qui ne sont pas fondées. Ça c'est dans sourate Al-Hujurat, médinoise. Alors comme on a dit plusieurs années avant ça dans sourate An-Najm, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Ça parle de ceux qui ont donné des ismes, des appellations aux malaïka, des appellations de femmes, et que ces gens-là, يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِ. Ils ne font que suivre le ظَن. Vous comprenez? Si encore une fois, le caractère uniforme de Al-Qur'an, Al-Karim, que le Qur'an, ce n'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a écrit par lui-même. Parce que celui qui écrit par lui-même, ses idées changent avec le temps. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai enseigné, ça fait un mois, je ne vais pas me rappeler. Qu'est-ce que je disais, il faut que j'aille, que je révise. tous les moyens qu'on a de nos jours, la technologie, ainsi de suite. Alors l'être humain, il change dans son style, dans ses idées et tout, après 10 ans, après 13 ans. Mais ça, le Coran, il est uniforme, homogène, du début jusqu'à la fin. Ça donne le même message, c'est basé sur les mêmes fondements, ce qui signifie que ça ne vient pas du prophète, alayhi salatu salam. Alors il dit ici, « وَكُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حِفْظَ اللِّسَانِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ » Tout ça, c'est une preuve que « الظَّنِ » ici, ça touche à la langue et que préserver la langue, c'est plus important que préserver le reste du corps. « وَأَنَّ الْكَذِبَ مِنْ أَقْبَحِ السَّيِّئَاتِ » أقبح من السيئات الظاهرة من الأيدي والأرجل. Et que la langue ou que le mensonge est plus grave que les péchés causés par le reste du corps. Ça vient de la langue. Pourquoi? Parce que regardez. الموضع الأول مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى من العز. Le premier, c'est quoi? Allah Ta'ala, il dit إن هي إلا أسماء سميتموها. Ce ne sont que des appellations que vous avez inventées. C'est quoi les appellations ici? Dans le premier contexte, qui peut nous rappeler, ça parlait de quelles appellations dans le premier contexte de Surat al-Najm? Al-Lat, Al-Uzza. Ok? Donc regardez ici. Il dit Madhu man la yastahiqu al-madh. C'est de faire les louanges de celui qui ne mérite pas les louanges. C'est un mensonge dans les louanges. Si je viens et je vais vous dire, l'un des frères ici, je vais choisir un frère, dire ce frère-là, c'est le frère le plus pieux de la Oumma aujourd'hui sur cette terre. Ça c'est quoi? Un mensonge. Un mensonge dans quoi? L'exagération dans les louanges. Eux, ils ont dit quoi? Ces pierres-là, ça c'est... Al-Lat, ça vient de Allah. Al-Uzza, ça vient de l'Aziz. Manat, ça vient de l'Mannan. C'est des représentations d'Allah Ta'ala sur cette terre. Ta'ala Allahu an dhalik. C'est des asma, mensonges fondés sur le dhan. C'est grave. Numéro 2. Dhammu man la yastahiqu dhamma wa humu al-malaikatu alladhina hum ibadu ar-Rahman sammunahum tasmiyata al-untha. C'est de rabaisser, c'est un mensonge. Deuxième type ici, la deuxième, c'est un van qui a causé un mensonge de rabaisser quelqu'un de son statut. Les malaïka, c'est qui? Ils sont ibadur rahman, c'est les serviteurs de ar-Rahman. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Ils ont fait de eux comme la nature humaine, ils ont dit c'est des filles. Ils ont rabaissé de leur statut, c'est les serviteurs de Ar-Rahman. Ils sont très très hauts, ils ne sont pas comme les êtres humains. Alors ça c'est un mensonge de rabaisser quelqu'un. Alors, je ne veux pas dire le frère c'est le plus pieux, je veux dire cette personne-là c'est le musulman le plus pervers sur cette terre. Ça c'est un mensonge, une exagération, mais dans quoi? La critique négative de quelqu'un, les reproches à quelqu'un, mettons. Et là, la même chose, Allah Ta'ala, il dit « Iyattabi'una illa al-dhanna wa inna al-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. » Et numéro 3, il dit « Madhu man wa dhammu man yu'lamu haluhu wa amma dhammu man lam yu'lam haluhu. » Troisième forme, c'est quoi? C'est un mensonge relié, causé par dhan, encore une fois, qui fait en sorte qu'on va mentir en critiquant négativement quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et ça, c'est le soupçon que Allah Ta'ala il a mentionné dans surat Al-Hujurat. Ijtanibu kathira min al-dhan, inna al-dhanna, inna ba'da al-dhanni, ithmun. Je ne connais pas quelqu'un. Je le vois dans le masjid, je ne connais pas, je ne connais aucunement c'est qui cette personne. Je le vois dans le masjid et la salate a commencé, lui il est endormi. Je le connais pas moi. Regarde, regarde ces gens, ils pensent masjid c'est un dort, ils font même pas salate. Astaghfirullah, les gens font salate, ils font même pas salate. Je le connais pas. Peut-être il s'est pas réveillé, c'est tout. Il n'a pas entendu à personne. Personne qui l'a réveillé. Donc ça, c'est quoi? C'est al-dhan. C'est de faire le soupçon. Et ça aussi, c'est un mensonge. Donc là, regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? Dhan, mentionné trois fois dans le Coran de façon négative, suivre dhan. Et c'est associé au mensonge. On a donné trois exemples de mensonges ici. Là, on sort du Coran, on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Hadith, on vient de le citer. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Car le dhan, c'est la source, le hadith le plus mensonger. Lien entre le dhan et entre le mensonge. Ce qui est dans le Coran, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprime. Oui, Akhi. Oui. Oui. طيب. C'est pour ça il dit ici, regarde. وأما مدح من يعلم حاله فلم يقل فلم يقل فيه لا يتبعون إلا الظن بل الظن فيه معتبر والأخذ بظاهر حال العاقل واجب. Il dit ici مدح, faire les louanges de celui qu'on connaît, ça veut dire on le connaît pour son bien, ça ce n'est pas un mal que Allah Ta'ala il a dit que يتبعون إلا الظن, qu'on suit le ظن. Il dit non, ça c'est une implication de ce que dit la raison. Donc encore une fois, quand Allah Ta'ala nous interdit le soupçon qui est interdit, c'est l'excès de soupçon. C'est pour ça, c'est pas tout le soupçon qui est mauvais. Allah Ta'ala n'a pas dit « Inna dhanna ithmun ».« Inna ba'da al-dhanni ithmun ». Il y a parmi le soupçon, du soupçon qui est péché. Et ça, c'est le soupçon qui est non fondé. Le soupçon qui est fondé, qui pourrait nous citer des exemples? Oui. Peut-être que déjà dans le passé, il a été dit dans le même sujet, pas avoir des soupçons. Donc, quelqu'un qui est connu pour le mensonge. Il a menti. À chaque fois, il ment et il va se faire attraper. Si un jour, il me dit quelque chose, il le soupçonne. C'est pas mal, c'est pas moi la mauvaise personne. Personne ne peut me reprocher en me disant « Pense du bien de ton frère ». En passant, c'est ça, parmi les principes de, comme on a dit, science du hadith, c'est basé sur ça. Pourquoi on n'accepte pas le hadith du menteur, du kazzab ?« Qad yasduqu al-kadhib », comme on dit. Le menteur peut dire des vérités, oui ou non? Il se peut que le menteur ait rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon fiable. Il dit « Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas mentir ». Mais reste qu'il est un menteur et de ce fait, on a le droit de le soupçonner, de le remettre en question, de ne pas lui faire confiance. Un voleur à répétition connu pour le vol, si je le soupçonne de voler parce que quelque chose vient de disparaître en sa présence et que je pense directement à lui, je ne suis pas blâmable. Mais le soupçon de quelqu'un qu'on ne connaît pas, musulman, on ne le connaît pas, et on soupçonne sans vraiment qu'il y ait de preuves, ou pire encore, le soupçon envers celui qu'on le connaît et qu'on ne connaît que du bien de lui. Et là, c'est un soupçon. Quand on dit soupçon, ça veut dire toujours se rappeler. Soupçon, ça veut dire qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de preuve évidente. À l'existence de preuves évidentes, là, on ne parle plus de soupçon. Quand la preuve elle est évidente, qu'il soit une bonne ou une mauvaise personne, ce qui a été démontré a été démontré, là c'est fini. Mais faute de preuves évidentes, on ne suit pas le soupçon envers les gens qui sont connus pour le bien. On ne fait pas le soupçon envers les personnes qui sont connues pour le bien. Ça répond à ta question? Oui, Akhi. Est-ce que vous pouvez répéter l'exemple rapporté dans le Coran du troisième type de mensonge? Le troisième type de mensonge, il dit ici « ذَمُّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ » C'est de dire des mauvaises choses à propos d'une personne qu'on ne connaît même pas. Donc, tu peux mentir à propos de quelqu'un que tu connais. Tu connais c'est quoi son statut et tu le rabaisses. Ou tu peux parler du mal de quelqu'un que tu ne le connais même pas. Comme on a dit tout à l'heure, je vois quelqu'un il y a un masjid ici. Il y a un masjid là-bas. Il y a 3-4 masjids qui sont autour. Quand je sors, moi, de mon masjid à moi, je vois un musulman qui passe devant le masjid. Il marche. Il marche comme ça, il marche direct. Il ne va pas au masjid. Astaghfirullah, regarde ce musulman. Quel type de musulman ne fait même pas salat? Allahu a'lam, peut-être il a fait salat dans un autre masjid, peut-être il ne sait pas que c'est iqama maintenant, peut-être il a oublié l'heure de la salat, peut-être c'est un voyageur, il a le droit de faire le jam'a. Je ne peux pas comme ça, sans le connaître tout de suite, je jette un soupçon sur lui et je vais l'accuser de quelque chose. Oui. Parce que ma question c'est plus, est-ce qu'il y a un exemple de ce type de mensonge dans le Coran? Parce que pour le premier type, on avait dit c'était mentir pour élever le statut de quelqu'un ou quelque chose en exagérant. Et on avait dit qu'ils associaient les idoles, oui, ces roches-là à Allah. Le deuxième, on a dit c'était mentir pour rabaisser. Donc ils ont rabaissé le statut des anges. Sont des serviteurs de Rahman et ils sont plus haut que ça. Et le troisième type de mensonge, on n'a pas mentionné. Non, on a dit c'est dans sourate Al-Hujurat. Ijtanibu kathira min al-dhan, inna ba'd al-dhan ithmun. C'est envers les autres croyants de ne pas faire sou al-dhan. C'est ça, de ne pas suivre le soupçon dans les jugements qu'on fait envers les autres croyants. Okay. C'est clair? Fika barakallah. والمراد هنا الظن الحاصل من اتباع الهوى دون الظن الحاصل من الاستدلال والنظر. Donc ça on l'a couvert un peu avant, mais ici il nous ajoute quelque chose d'intéressant. Comme on a dit, le dhan qui est blâmable dans la religion, c'est le dhan basé sur le suivi des passions, du hawa. Ou le dhan face à la vérité évidente. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. La vérité évidente, les preuves qui viennent évidentes d'Allah Azza wa Jal, là on ne peut plus suivre le dhan. Mais en l'absence de hawa et en l'absence de vérité évidente, on peut se permettre de suivre le dhan qui est basé ici, comme il nous dit, ala nadharin wa istidlal, sur la réflexion et la recherche de preuves, istidlal. Quelqu'un cherche à comprendre le plus. Il faut arriver à une conclusion. C'est quoi la meilleure chose? Je fais de mon mieux. Quelle est la meilleure chose? Quel est le meilleur emplacement pour ouvrir un masjid dans notre quartier? Notre quartier n'a pas de masjid. Et moi, je suis la personne qui est dans une position de choisir le lieu. J'ai 3 ou 4 options comme ça. Et si je n'ai pas de preuves absolue du ciel. Il n'y a pas une ayah qui dit qu'il faut ouvrir un masjid dans tel quartier ou autre chose. C'est une question de ijtihad. Et si mon intention n'a pas de hawa, je n'ai pas d'intérêt personnel là-dessus. Moi, tout ce que je veux, c'est inshallah un masjid qui est bon pour les musulmans, un lieu qui est bon pour les musulmans. Là, je peux me permettre de suivre le dhan. Même une conviction de 30% par rapport à d'autres options serait suffisante si je fais de mon mieux pour essayer d'étudier, pour voir c'est quoi la meilleure option. Peut-être il y a 4-5 options, les autres prennent du 20%, mais il y a une option qui a pris 35% de ma conviction. Ça reste du dhan, mais je peux le suivre dans ce genre de situation. Absence de preuves évidentes, de dalil absolu, et aussi il n'y a pas de passion que je suis en train de suivre, et aussi un certain effort intellectuel de pensée et de raisonnement, et ainsi de suite. Alors, il dit ici, لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَةِ ظَنِّيَّةٌ إِمَّا لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ أَوْ خَفَاءِ الدَّلَالَةِ فليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداً بل بعضها يقين وبعضها ظن. Comme ils disent ici les ulama, que beaucoup des questions de la jurisprudence du fiqh en islam sont des questions fondées sur le ظن. On a plutôt expliqué que le ظن là-bas faisait référence à une quasi-certitude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours qu'on a la certitude dans la jurisprudence, dans les détails pratiques de l'islam, pour deux raisons principales ici. Soit parce que le dalil n'est pas certain, Qu'est-ce qu'on veut dire par le dalil n'est pas certain? Qui pourrait nous donner un exemple? Le dalil n'est pas certain. Tu es proche. Un dalil qui n'est pas certain. Oui. Qiyas, oui, il se peut, naam. Oui, akhi. Barakallahu fi. Donc, ça c'est un excellent exemple. Hadith, comme tu as exprimé très très bien, je vais reprendre tes mots, dont l'authenticité est controversée. Elle est discutable. Certains savants disent que c'est authentique et ils ont de bons arguments pour ça. D'autres savants disent qu'il n'est pas authentique et eux aussi ont un bon argument pour ça. Donc je pourrais tendre un peu plus vers l'opinion qui dit que le hadith il est authentique. Mais je ne peux pas dire à 100%. Si quelqu'un dit que moi je crois le hadith n'est pas authentique, je le respecte. Je respecte son opinion. Donc il y a beaucoup de hadiths comme ça. Donc l'authenticité est discutable entre les savants. De ce fait, ils ne vont pas tous être d'accord sur le hukm final, le verdict final entre ceux qui considèrent ce hadith comme une preuve à suivre et d'autres qui disent que le hadith il est faible. Selon moi, je n'ai même pas à suivre ce hadith. La deuxième chose aussi qui enlève cet élément de certitude, c'est la dalala, l'indication. L'indication, qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Yarhamukallah. Un texte a combien d'indications, a combien de messages? Un texte. Si je dis, je n'aime pas qu'il y ait des étudiants qui arrivent en retard. Il y a combien de messages? Deux. Peut-être trois, peut-être quatre. Chacun peut aller plus loin dans l'interprétation. Donc, il y a le message clé sur lequel tout le monde s'accorde. Les gens vont dire, lui n'aime pas quand des étudiants viennent en retard. N'aime pas ça, c'est tout. Mais il y a aussi un autre... Donc, si la semaine prochaine, il y a deux personnes qui viennent ensemble, comme ça, qui arrivent en retard, il y a l'un qui va dire à l'autre, on ne devrait pas entrer. On ne sera pas autorisé à entrer. Pourquoi? Il dit parce qu'il ne laisse pas les gens qui arrivent en retard entrer. Il dit non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit juste qu'il n'aime pas. Et oui, le fait qu'il n'aime pas, ça veut dire qu'il ne va pas laisser... Là, ce deuxième sens, il est quoi? Discutable. Peut-être oui, peut-être non. Parce que ce n'est pas l'essence du message. C'est ce qui va découler du message. C'est un deuxième, troisième, quatrième message. Donc là, c'est la même chose. Et là, ça s'applique au Coran, ça s'applique aussi au hadith authentique du prophète, alayhi salatu wa salam. La dalala, donc la dalala du Coran, dans plusieurs ayats, sur plusieurs sujets, elle peut être dalala qat'iyya, yaqiniyya, indiscutable. Allah Ta'ala, lam yalid, wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. مَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ. Allah n'a pas pris d'enfant du tout dans notre ayah. Le message principal, il est clair. Il est quoi yaqin ici? C'est une certitude. Quand Allah Ta'ala, il dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue un croyant volontairement. Qu'est-ce que Allah il dit à propos de lui? مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Son sort c'est Jahannam. Pour khuloud, pour une éternité. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah sera en colère contre lui. وَلَعَنَهُ. Allah, il le maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et Allah a promis et a préparé pour lui une punition très très grande. Qu'est-ce qu'on a compris à propos de tuer un croyant volontairement? Qu'est-ce qu'on a compris? C'est haram. C'est très haram. C'est très grave. Ça, c'est quoi? Ça, c'est yaqin, certitude. C'est pas selon certaines interprétations de la ayah. Certains gens, ils ont compris que ça comme ça. Non, il n'y a pas, y a pas plus fort ici que... Mais dans d'autres ayahs, d'autres ahkam, ce que certains savants comprennent, d'autres n'ont pas nécessairement compris la même chose. Et ça, ça fait en sorte que plusieurs ahkams de l'fiqh vont être dhanni. C'est pour ça ici il dit فَلَيْسَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ يَقُولُ بِهَا الْإِنسَانُ عَلَى سَبِيلِ الْيَقِينِ أَبَدًا بَلْ بَعْضُهَا يَقِينٌ وَبَعْضُهَا ظَنٌ. Ce n'est pas dans toute question de l'fiqh que le muslim, même le savant, devrait se permettre de dire toujours c'est ça la vérité. S'il y a un cheikh ou un savant ou un juriste ou autre chose, qu'à chaque fois qu'il donne une réponse, il dit c'est ça la vérité, surtout c'est ça la vérité, c'est ça. Ça la vérité. Ça c'est pas un alim, ça c'est un jahil. Ça c'est un ignorant, qu'on n'est pas ad-din. Grave. Parce que l'alim il sait faire la différence entre ce qui est certain, indiscutable, ce yaqid, et entre ce qui est quoi? Ma conviction à moi. Mais ma conviction à moi, elle garde toujours un certain espace pour man khalafani, celui qui diverge avec moi, qu'il y a une petite possibilité que c'est lui qui a raison et pas moi. Comme il disait l'imam Shafi'i rahimahullah, qawli khata, qawli sawab yahtamilu al-khata wa qawlu ghayri khata yahtamilu al-sawab. Mon opinion à moi, mon opinion dans la jurisprudence, pas mon opinion personnelle, opinion dans le fiqh, c'est sérieux, c'est pas ce que j'ai le goût de dire, non. Mon opinion dans le fiqh, c'est une vérité, sawabun, qui, comment on dit, ihtamilu, qui a une probabilité que ce soit faux. C'est une vérité qui est possiblement fausse. Et l'opinion de l'autre, celui qui diverge avec moi, c'est une erreur qui est possiblement vraie. Ça veut dire, mon opinion à moi, dans les questions de Avon, il dit que moi, j'y adhère à 90%, peut-être. C'est une vérité. Mais je sais qu'il y a toujours un 10% que l'opinion de l'autre, qui diverge avec moi, son opinion à lui, c'est faux. Mais تحتمل الصواب. Qui est potentiellement vrai. Et vice-versa. Vous voyez ? Et l'imam Malik, rahimahullah, il disait souvent, quand il faisait ses fatawa, il émettait ses fatawa, il disait « Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin » Il récitait une partie d'une ayah du Coran, comme on dit ici, « Iqtibas » du Coran, pour disant que ça, ce n'est que dire « dhann », on n'est pas dans le yaqin, c'est mon opinion à moi, j'y crois fortement, mais je ne peux pas dire que c'est la vérité ferme et que la discussion elle est close. La Qudhan, donc ça on a couvert ça, et Inch'Allah Azza wa Jal, lors de notre prochaine séance, on va parler de la ayah numéro 29. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.